weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Game Ozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous. Et aujourd'hui, je vous invite pour un nouveau voyage au sein de la bulle. Installez-vous confortablement, escale bien-être comme on les aime. Car aujourd'hui, avec nous, eh bien pour ce voyage, c'est Mathilde qui nous a rejoint. Mathilde, bonjour. Bonjour Lia. Comment vas-tu? Eh bien, super bien. Je suis vraiment enchantée d'être là avec toi, petite bulle. Oui, bah, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation. Alors, je cite un Mathilde, naturopathe en devenir et thérapeute en bien-être holistique, passionnée par la santé au naturel, le bien-être, la nature, le féminin sacré et l'art. Franchement, t'es juste tombée pile poil au bon endroit, j'ai envie de te dire. Moi, je suis ravie de faire cette émission aujourd'hui avec toi. Alors, tu viens nous parler aujourd'hui, entre autres, eh bien, des secrets de Mathilde. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va mettre un petit premier point holistique. Alors, ça vient du grec holos, le tout. Ce terme désigne toutes les approches de la vie ou toutes les techniques thérapeutiques qui prennent en compte la globalité de l'individu. Par exemple, une vision holistique de l'être humain tient compte de ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles, familiales, sociales, culturelles et spirituelles. Vous allez donc le découvrir tout au long de cette émission. Avec Mathilde, c'est une approche du tout que tu nous proposes. On est vraiment dans le global, c'est vraiment génial. Donc tu as créé entre autres un site, un blog et différentes pages sur les réseaux et tu viens de Plombières-les-Bains. Voilà, tout à fait. Alors en fait, je viens pas tout à fait de Plombières-les-Bains, je suis plus originaire des Hautes-Vosges, donc au Ménil. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a un an, quand j'ai créé mon cabinet donc de massage, je me suis installée à Plombières. D'accord. Parce que je me suis dit que c'était une station thermale et que ça collait vraiment avec mon domaine. D'accord, donc tu rencontres pas que des gens locaux, tu rencontres aussi des gens qui viennent d'ailleurs ? Oui, souvent quelques curistes, mais quand même la majeure partie de ma clientèle, c'est des Vosgiens. D'accord. Alors à travers tous ces outils internet et tout ce que tu proposes en parallèle, tu proposes ton univers, celui du bien-être. Alors c'est très très vaste encore une fois. Je cite des recettes, des soins, des secrets sur les médecines ancestrales venues d'Asie, de la cosmétique écologique et économique, une alimentation consciente qui t'a permis, c'est toi qui le dis, d'en être là aujourd'hui. Alors pourquoi ? Alors tout à fait, donc les secrets de Mathilde, j'ai créé en fait cette communauté il y a à peu près 3 ans. D'accord. Quand j'ai changé d'alimentation et que je me suis intéressée à tout ce qui était vraiment naturel, comment mieux manger par rapport aussi à toute la société, les alertes petit à petit à l'énergie. Ouais. Donc en faisant des formations en massage et en réflexologie. Et puis le cheminement, il s'est fait qu'aujourd'hui, dans quelques temps, en fait, je vais être naturopathe. D'accord. Donc, voilà. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment à vouloir te lancer dans cette voie, en plus du fait de ton changement d'alimentation ? Est-ce que ça a été vraiment le déclencheur ou est-ce que ça, c'était quelque chose qui était en toi avant ? Alors, ça a été le déclencheur, mais c'est vrai que dans mon parcours, notamment professionnel, en fait, j'ai commencé par faire un diplôme pour être monitrice éducatrice, en travaillant avec des enfants handicapés, des personnes en réinsertion sociale, et dans le but, effectivement, d'éduquer et d'accompagner les personnes dans le mieux-être. Mais finalement, je me sentais plus vraiment à ma place quant à ce qu'on me demandait, à mes missions vraiment de travail. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, de mon dernier contrat, que j'ai engagé une formation de naturopathie. D'accord, ok. Et je commençais déjà, en fait, quand j'étais en poste, à conseiller les gens, mais voilà, sur quelques points, sur l'alimentation. Et c'est parti vraiment de là, en fait. D'accord. Et ça fait partie de moi aussi, je pense. Il n'y a pas de hasard. On fait les rencontres au bon moment. Et puis... Et puis voilà. Voilà. Quand tu conseillais les gens sur leur alimentation, toi-même déjà, tu t'étais posé beaucoup de questions sur ta propre alimentation. Toi, tu parles d'alimentation consciente. Est-ce que ça, c'était déjà un processus qui était entamé chez toi ? Ou alors, au final, tu le faisais un peu de façon intuitive Alors non, ça, je l'ai appris finalement déjà sur moi, parce que c'est vrai que tout ce que je conseille, je l'ai expérimenté. D'accord. Enfin, de manière globale, je pense que c'est plus facile de conseiller les gens sur des choses que tu as faites toi-même. C'est sûr. Et je dirais que j'ai évolué aussi, parce que je suis passée par une phase un petit peu plus extrême dans le crudivorisme et dans le frugivorisme. Et ça, c'est quelque chose qui m'a apporté énormément. Mais maintenant, avec tout le recul, je me rends compte que c'est pas vraiment ça l'idéal. L'idéal, c'est vraiment de prendre partout et de faire quelque chose qui nous corresponde. Parce que quelqu'un peut effectivement manger cru, ça va lui convenir, mais moi c'était pas du tout le cas et je ne m'en rendais pas compte tellement j'étais persuadée que c'était bon pour moi. Et puis l'entourage aussi t'aide à t'ouvrir les yeux et à te dire bon attends là je pense que tu vas un petit peu trop loin. Et c'est ça qui est intéressant, et de l'avoir vécu je peux aussi conseiller les gens quand je vois que c'est peut-être un peu trop dirigé, notamment avec la mode d'aujourd'hui sur le véganisme, le végétarisme. Voilà, j'ai juste fait attention à vous et voilà, faut pas que ça reste trop, trop extrême, quoi. Oui, voilà, c'est un peu tout ce qui est extrême qui commence à être un peu dangereux. Voilà. Et puis surtout, ben, quand vous vous lancez dans une aventure comme celle-ci, faites-vous accompagner, parce que voilà, il y a des choses quand même à savoir. Il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Un petit bilan avant de commencer, par exemple, ça peut être quand même une bonne idée. Alors, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, toi, tu consommais que des fruits et des légumes crus. Voilà, pendant une période, je dirais entre 6 mois et 1 an. Ah oui. Ouais, ça a duré quand même un moment. Et j'étais vraiment persuadée que ça me faisait du bien. Donc effectivement, les premiers mois, oui, parce que c'est un effet, comme on dirait, de détox. Oui. Mais à long terme, ça devient dangereux, dans le sens où je perdais mes cheveux, j'ai perdu énormément de poids. Donc je suis déjà pas épaisse, mais là, c'était ça, vraiment vrai. Flagrant. Donc effectivement, ça m'a alertée. Je me suis dit, ouais. Et le jour où j'ai eu le déclic, c'est quand j'ai eu la chance d'accompagner une praticienne en ayurvédique. D'accord. Pendant un stage, en fait, d'ayurvéda, reclus dans une ferme, dans le Puy-en-Velay. Et j'ai découvert l'ayurvéda à ce moment-là, et j'ai compris toutes les notions de feu digestif, de saison, etc. Enfin, en hiver, on ne peut pas consommer que des fruits, ce n'est pas possible. Ouais. Déjà, au niveau des saisons, on n'en trouve pas. Et au niveau de mon feu digestif, il était super faible. Donc, si tu n'as pas de feu digestif, tu ne digères mal. Ça, c'est aussi dans la médecine chinoise, hein, de base, on le dit. Le cuit, c'est hyper important dans l'alimentation. Ouais. Que tu habites au nord ou au sud, c'est important de conserver cet aspect-là que j'avais perdu complètement. D'accord, ok. Donc, du coup, tu as un petit peu repris les choses en main concernant ton alimentation. Ça va mieux, là, aujourd'hui ? Ouais, ça va beaucoup mieux, parce que je m'écoute de plus en plus. Ne suis plus dans la frustration, parce qu'on a beau dire, au début j'étais effectivement à fond dans mon truc, mais j'avais quelques frustrations sur certaines choses, notamment le fromage ou toutes ces choses là donc tu sais, je pense que moi je suis un petit peu comme toi, enfin je fais quand même attention à mon alimentation comme beaucoup de personnes maintenant sensibilisées, et il y a des fois j'ai envie de certaines choses, tu vois, d'un aliment particulier, pourquoi je sais pas, mais en fin de compte j'ai l'impression que c'est mon corps qui le réclame, et du coup ben j'accède à sa demande. Je pense que c'est un petit peu comme ça qu'il faut. C'est exactement ça. Alors, c'est vrai qu'on a perdu toutes ces notions d'intuition, finalement. Mais je pense que notre corps, effectivement, il est capable de dire « là, tu as besoin de ça, là, tu as besoin de ça ». Mais aujourd'hui, c'est difficile dans notre société de se dire « écoutez-vous », parce que si tu as envie d'aller manger McDo tous les jours en t'écoutant, si tu as envie de Nutella, etc., bon, bah là, pareil, ça va pas. Donc, c'est pour ça que là, c'est intéressant de se faire accompagner et de changer 2-3 petits détails, et au fur et à mesure, évoluer et puis aller vers une alimentation beaucoup plus équilibrée, saine et vivante. Voilà. Donc, maintenant, tu as remis un petit peu les choses en ordre dans ton alimentation. Tu peux maintenant conseiller les autres. Tu proposes des recettes sur ton site, ton blog, etc., etc., parce que tu as quand même beaucoup de choses sur Internet, hein. Cet outil peut être vraiment miraculeux quand on rencontre des petites pépites comme toi. Moi, franchement, c'est très, très réussi. Il y a des photos splendides. Ça parle vraiment. Tu as un univers bien à toi. Et ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer comme recette un petit peu sortie de ta tête, là, maintenant quelque chose, peut-être une de tes recettes préférées ou une recette qu'on pourrait faire, là, pendant cette période estivale. Parce qu'on sait que, durant certaines périodes, notre alimentation, elle a besoin d'être un petit peu ajustée. Tu le disais, il y a des périodes, par exemple, l'automne, on va préparer un petit peu son corps pour l'hiver. Là, on est en été, qu'est-ce qu'il faut préférer, par exemple ? Alors, je pense qu'il n'y a pas de préférence à avoir. Bon, déjà, si, la première chose, c'est consommer local et de saison. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est sûr. Donc, les salades, là, c'est vraiment le bon moment, parce qu'effectivement, on peut facilement digéré avec l'énergie du soleil. Oui. Mais c'est vrai que c'est difficile pour moi de donner une recette comme ça, parce que l'aspect visuel, pour moi, il est hyper important. Dans ma cuisine, tout est à disposition, dans des bocaux, des choses comme ça. Et en fait, je n'ai pas de recette, ça vient comme ça. C'est de l'intuition. C'est des recettes intuitives. D'accord. Donc, j'ai envie de dire, essayez aussi, vous, chez vous, de faire ça, de mettre tout devant vos yeux, sur des étagères, d'amener le côté esthétique et y aller à l'intuition. Donc là, effectivement, le matin, on peut préparer, je ne sais pas, un Buddha bowl. C'est assez à la mode, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Avec des graines de chia, par exemple, et du lait d'amande qu'on peut mélanger. Et puis couper des fruits de saison. Donc là, en ce moment, framboise, fraise, c'est assez cool parce que moi, j'adore ces fruits-là. Et il faut en profiter parce que c'est vraiment la saison. Ouais. Mais pareil, attention, il y a plein de petites choses à savoir, notamment au niveau de la combinaison des fruits. D'accord. Hein, y a certains fruits qui ne vont pas ensemble, etc. Donc là aussi toute la... Oui, bien sûr, il y a des fruits acides, semi-acides et doux. Et par exemple, la banane, on fait souvent l'erreur avec les salades de fruits. Parce qu'en fait, la banane, elle ne va pas aller, par exemple, avec le kiwi. D'accord. Fruits doux plus fruits acides, ça fait une combinaison et ça donne de la putréfaction. Parce qu'en fait, la banane, elle met 4 heures à être digérée et le kiwi, par exemple, il va mettre une demi-heure. Ouh. Donc du coup, ça fait une espèce de stagnation dans l'estomac et ça fait de la putréfaction et après des gaz, etc. Ouais. Donc, il y a des personnes, elles vont le supporter. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je sais que les fruits, j'en mange de moins en moins quand même. Ouais. Donc, et en très petite quantité parce que, bon, avec le crudivorisme, j'ai vraiment bousillé, entre guillemets, ma flore intestinale. Donc, j'y vais mollo. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Et j'ai partagé, il me semble, sur les secrets de Mathilde, un tableau avec les bonnes combinaisons de fruits parce que c'est hyper important aussi. Ah bah oui, on va faire attention à tout ça. C'est une très bonne chose que tu nous le dises parce que moi, je ne le savais pas. Je pense que certains de nos auditeurs non plus. En tout cas, voilà, merci pour ce petit conseil. Et puis, si jamais vous avez envie d'un secret digne de Mathilde, vous pouvez directement aller sur son site www.lessecretsdemathilde.com. Un petit onglet recette. Et là, vous y trouverez toutes sortes de choses vraiment splendides. Et puis, tu parlais de l'aspect visuel. Là, l'aspect visuel, il y est. Hein. Tu t'éclates en photo. Exactement. J'ai toujours adoré ça. Et l'aspect esthétique, c'est là que je lis à l'art en fait, parce que pour moi la photo c'est une forme d'art vraiment, et c'est hyper important pour moi le visuel, tout passe par la vision je pense. Comment tu trouves un petit peu tes produits? C'est des choses avec lesquelles tu t'es familiarisée il y a quelques temps, parce que c'est un petit peu des produits que les personnes on connaît pas forcément, voilà, c'est ça. Ouais, bah c'est vrai que en Biocoop, en Biocoop, on trouve énormément de petits ingrédients qu'on trouverait pas ailleurs. Sinon, quand je fais des voyages aussi en Thaïlande, j'ai ramené pas mal d'épices, de fleurs qui colorent, des choses comme ça. Parce encore que c'est une globe-trotteuse. C'est ça, le voyage aussi, c'est hyper important parce que ça t'ouvre à d'autres horizons et tu découvres d'autres épices. Mais notamment par rapport à l'Ayurveda, c'est là vraiment que j'ai trouvé, grâce à Florence Pomana d'ailleurs, que je cite parce que c'est une femme extraordinaire, donc la praticienne en Ayurveda que j'ai accompagnée. Elle a écrit plusieurs bouquins aussi de recettes et je vous invite vraiment aller voir ce qu'elle fait. Et elle m'a donné aussi tous ces outils, ces épices qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on trouve dans les biocoops généralement. Et voilà, parfait. Les secrets de Mathilde, moi franchement, une émission au top avec toi, mais ça j'en doutais pas un instant. On va vraiment s'amuser et apprendre plein de choses dans la bonne humeur, et ça fait du bien. En attendant, on va se lancer dans notre première bulle de son, si tu es d'accord, avec Subway. Alors, faut aucun rapport avec l'enseigne, hein. on parle bien de la bonne nourriture aujourd'hui. Un son de The Geek, on écoute ça et on se retrouve juste après. Never spending time. Nous sommes toujours ensemble dans la bulle de l'IA avec aujourd'hui notre invitée Mathilde qui nous parle de tous ses secrets mais pas que. Hein, on a vu un petit peu l'aspect recette alimentation, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver toutes ces recettes sur lessecretsdemathilde.com. Puis on a un petit peu pour tous les moments, le matin, le midi, enfin les différents repas en fait. On peut se faire plaisir à tous les moments de la journée. Mais tu proposes aussi, en plus de tout ce qui se passe un peu sur Internet, il y a quand même un véritable contact humain avec toi, parce que tu proposes différents soins. Est-ce que donc ça se passe à Plombières? Ça, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu t'es installée spécifiquement là-bas à Plombières. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Alors, en fait, de base, moi, j'ai fait une formation qui s'appelle massage évolutif, donc dans une école Cassiopée à Paris. D'accord. Et parce que j'avais... En fait, je fais un peu la guerre au protocole et j'avais besoin de découvrir le massage, mais d'une manière pas vraiment guidée. D'accord. Donc à l'instinct, pareil. Donc c'est vrai qu'il y avait tout cet aspect de bander les yeux, ressentir, etc. Donc c'est du massage intuitif que je propose finalement. D'accord. Énergétique, bien sûr, je l'adapte en fonction de la personne. Donc je prends toujours un temps avant pour discuter avec la personne, voir où je dois axer. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai développé une sorte d'énergie assez puissante, qu'on pourrait appeler le magnétisme, mais qu'on a tous en nous, finalement. C'est juste que le fait de masser, ça vient de plus en plus. Mais j'ai une certaine frustration par rapport aux soins que je propose aujourd'hui parce que j'ai plus envie de rester posée, poser mes mains à un endroit. Et c'est vrai que si quelqu'un vient... je m'égosille. Si quelqu'un vient pour un massage, il va peut-être pas forcément avoir envie que je reste comme ça avec mes mains. Donc je le fais avec mes clients réguliers parce que je leur ai demandé si ça les dérangeait. Et c'est vrai qu'il y a un aspect beaucoup plus énergétique finalement. D'accord. Où tu laisses finalement les deux corps parler. Donc mes mains et puis le corps de la personne. Mais j'en fais de beaucoup moins parce que je pense que je suis plus trop dans cette énergie et on attire ce qu'on est. Donc en ce moment, c'est très très calme à ce niveau-là, mais ça me va bien. D'accord. Ça me va très bien. Comment tu t'es lancée dans cet aspect massage? Ça a tout de suite été chez toi quelque chose qui te donnait envie? Parce que toucher le corps de l'autre, parfois, ça peut poser problème pour certains. Toi, non, t'as eu envie de... Ouais, alors moi, c'est parti du fait que ma mère... depuis l'âge de 12 ans à peu près, elle m'a amenée voir des masseuses énergétiques. D'accord. Et j'ai toujours adoré ça, ça me faisait un bien fou. Et un jour, je me suis dit, moi j'ai envie de faire ça aux gens aussi parce que c'est hyper important. Et j'ai un rapport, moi j'adore tout ce qui est tactile. D'accord. J'aime ça et je voulais le transmettre en fait. Donc c'est parti de là tout simplement. Donc merci maman. Non mais vraiment, salut, c'est ça. Maman, c'est, bravo. C'est vraiment ça et puis le partager. Mais bien évidemment... comme tu dis, le corps, c'est quelque chose... c'est notre première enveloppe, donc c'est une enveloppe de protection. Donc, des fois, dépasser cette barrière-là, c'est assez compliqué pour les personnes. Ouais. Donc, il y en a qui sont curieuses, mais qui ne sont pas à l'aise en premier rendez-vous. Donc là, pareil, on y va mollo. On peut faire, par exemple, que le crâne, première approche, ou que les mains, que les pieds. Tu vois, tu adaptes vraiment à la personne. Ce n'est pas un protocole. Tu viens pour un massage californien, je te fais un massage californien. Non, ce n'est pas ça. Moi, je suis toujours dans l'intuitif, dans l'instant, qu'est-ce que tu as besoin. Ouais. C'est plus ça, mon approche. Dans l'écoute, ça, c'est important. Voilà. Et puis, du coup, de t'être fait masser, toi, enfant, ou en tout cas avant d'avoir commencé à masser, c'est important parce que tu sais un petit peu à quoi faut faire attention et puis aussi le bien-être que ça peut procurer, quoi. Mais c'est tout à fait ça. Et puis, comme je te dis, je propose vraiment des choses que j'ai vécues parce que c'est ça le truc, c'est que je le vis. Je l'ai vécu, je le vis et c'est extraordinaire. Quoi. C'est chouette. Alors, il y a aussi de la réflexologie thaïlandaise. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est la réflexologie, finalement, vous savez, sous la plante des pieds, il se trouve tous nos organes. Et en fait, durant une séance de réflexologie, on va stimuler justement ces organes-là. Et nous, en tant que praticiens en réflexologie, on va tâtonner et puis on va voir les zones en fait, à traiter finalement. Insister sur des points, masser sur des zones. Et la particularité de la réflexologie thaïlandaise, c'est qu'on ne masse pas que les pieds, on monte jusqu'en haut des cuisses. D'accord. Voilà, pour travailler tous les méridiens, vraiment, du bas du corps. D'accord. En fait. Donc voilà, c'est une démarche beaucoup plus douce que... Enfin, plus douce. Peut-être plus enveloppante, voilà, avec des mouvements beaucoup plus fluides que la réflexologie classique où on va vraiment stimuler avec nos pouces et ça s'arrête là. D'accord. Et moi, je propose aussi un bain de pied avant pour, tu vois, détendre le pied, etc. Il y a toute une démarche derrière. Et que ce soit pas agressif, quoi. Voilà. Mais ça, pareil, c'est pas... J'en ai fait très, très peu. C'est... voilà, c'est peut-être aussi parce que c'est pas vers ça que je dois aller, hein, je sais pas. Voilà, j'ai tâtonné un peu partout, donc après, il y a des choses qui se dessinent et des choses avec lesquelles je suis plus à l'aise. Voilà, C'est quoi sur les choses sur lesquelles tu es plus à l'aise, par exemple? Bah moi, c'est le conseil, l'alimentation, les émotions. Émotions, ça c'est mon dada. C'est vraiment, pour moi, je m'en suis rendu compte aussi sur moi d'avoir une bonne alimentation. Ça ne veut pas dire que tout le reste va suivre et axé sur les trois piliers. Donc en naturopathie, les trois piliers, c'est une alimentation équilibrée, saine et vivante. En deux, le mouvement, la respiration. Et en trois, les émotions. Ouais, c'est donc, cool. Donc quand tu agis sur ces trois piliers-là, tu avances beaucoup plus facilement en fait, vers le chemin de la santé, quoi. On va dire ça. Et quand les gens viennent auprès de toi, c'est vraiment les trois points que tu abordes avec eux tout de suite. Ouais. Oui, parce que je pense qu'on en revient aussi à la notion d'holistique. Oui. C'est pas en traitant une chose que tu vas évoluer, je pense. Je pense qu'il faut vraiment agir sur plusieurs aspects. Il faut savoir être à l'écoute quand quelqu'un vient vers toi comme ça. Tu prends un temps déjà. Ah, bah, c'est la base. Sans ça, c'est pas possible. Moi, je me vois pas, voilà, quelqu'un arrive, c'est pas bon, allez, on y va, on passe sur la table. Non, non. Non, c'est vraiment, on discute, je propose quelque chose à boire, et puis là aussi, je vois la personne, hein, parce qu'on apprend aussi en naturopathie les tempéraments, voir, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Ça fait peur. Ah, mais non, pas du tout. Pas du tout, mais tout est dans l'écoute. Je pense que même dans mon métier précédent, donc monitrice éducatrice, c'est vraiment ça. C'est avant de faire quelque chose avec quelqu'un, il faut l'écouter, la comprendre et la mettre en confiance, surtout. Mais tout à fait. Et puis, encore une fois, bah, ta propre expérience des choses, elle parle beaucoup, parce que proposer quelque chose à quelqu'un, ou même conseiller quelqu'un sur quelque chose qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion de vivre, c'est un petit peu différent, hein, on ouais, va dire ça comme c'est... ça. Ouais, c'est différent, même compliqué. Enfin, moi, je pourrais pas faire ça, par exemple. Alors, tu as un blog, hein, donc au sein de ce site Les Secrets de Mathilde, avec des articles que tu nous proposes. Le dernier, ça a été sur une cure reminéralisante de printemps avec de la sève de bouleau. Ouais. Alors ça m'intrigue. Bah, la sève de bouleau, c'est hyper intéressant et on en revient à tout cet aspect naturel, hein. Comme quoi on a tout auprès de nous pour, pour notre santé, hein, finalement. Et c'est quelque chose qu'on peut faire très facilement si on a des bouleaux. Et donc il suffit de percer en fait le bouleau et puis de mettre une paille et une bouteille et puis on attend. Et cette cure là, ça va permettre de reminéraliser, hein, c'est ce que je disais, cure reminéralisante, parce que et aussi prendre l'énergie du bouleau, parce que du coup au printemps la sève elle monte et c'est pareil en nous en fait, hein, oui. Ça monte et là ça permet de drainer la sève de bouleau à raison de un ou deux verres par jour. Tu vas drainer l'organisme et le nettoyer. D'accord. Et le minéraliser, voilà, en apportant tous les minéraux nécessaires en fait D'accord. à ton bien-être. Et si on n'a pas de bouleau chez nous? Eh bien, effectivement, ça se trouve en Biocoop, mais je pense qu'il est aussi possible d'aller dans la forêt à la recherche des bouleaux et puis de poser ses bouteilles, même si ça ne doit peut-être pas être trop... je ne sais pas si c'est légal ou pas, mais en tout cas, moi, je l'ai fait parce que c'est chez moi. Sinon, il y a aussi une association, les Caracoles Sagar, qui en vendent. Et ah à moindre ouais. prix, et c'est assez intéressant aussi. Ah bah dis donc, quelle voilà, information. Vous le saurez. Mais c'est parfait Mathilde, mais tu vas souvent revenir ici, dis donc. Ouais, je pense. Du coup, quand tu fais, quand tu prends un petit peu cette sève de bouleau, toi tu perces un trou dans l'arbre, tu mets une paille, ouais. Une paille, et puis une bouteille en fait, la paille dans la bouteille, et puis on attend, et ça coule goutte à goutte en fait. Mais ça s'improvise pas, ça, il y a un endroit particulier où il faut... Bah en bas du bouleau si tu veux, enfin pour que ça soit plus simple, pour que la bouteille elle soit au sol finalement. Après pareil, il faut le faire avec intention et voilà, tu lui parles à l'arbre, bah oui. Entre guillemets, je veux pas passer pour... Voilà, ah bah non, mais on a fait quelque dire, chose. Voilà, je te prends ta sève, merci, et puis à la fin quand on a fini, on la rebouche en fait avec avec une petite branche, ouais. Voilà. Ça c'est top. Et l'année prochaine, c'est reparti Ben bah oui, on respecte nos arbres. Et, voilà, c'est hyper important. Et Gaïa, hein, notre mère nature. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit sujet sur la sylvothérapie. Donc, tu ne passeras pas pour une folle. Vous pouvez faire un câlin au bouleau en même temps qu'il vous donne sa sève. Ça, exactement. C'est super important. Mais c'est tout à fait ça. Puis, il n'aura pas la même énergie non plus. Hein, c'est vrai. Tout est dans l'intention. C'est vrai. Donc, près de chez toi, tu habites un petit peu au milieu des arbres ? Alors, en fait, là, je parlais de chez mes parents. D'accord. Donc, c'est au Ménil. Plus dans les Hauts-de-Vosges. D'accord. Mais à Plombières, non, j'habite dans un appartement. Après, il y a le parc juste à côté, ouais. Mais c'est vraiment chez mes parents que je fais cette petite démarche-là. Eh ben, ils doivent être contents, tes parents, que tu t'épanouisses dans ce milieu-là avec tout ce que tu as autour de toi. On voit que tu vois, tu t'émerveilles. Ouais, c'est vraiment ça. Et ça, c'est chouette. Tous les jours. Bah, ça, c'est chouette. Alors, si tu veux bien, on va se lancer dans notre deuxième bulle de son avec Move in Silence de Patrice, Féfé, Guts et compagnie. Je vous laisse écouter ça tout de suite et on se retrouve juste après. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'un forêt qui pousse. Silence, sans laisser de traces à part petits pas quand on danse. Petit pas posé sur le sol comme une évidence. Petit pouce à semer cailloux dans la forêt dense. De toute évidence, tout ici pousse en silence. Et quand on y pense, petit à petit tout prend son sens. Petit pas posé sur le sol comme une évidence. Petit caillou semé partout par petits poussets. De toute évidence, tout ici pousse en silence. Bad boys move in silence, you know. Bad girls move in silence. We go on, on, on. We go on, on, on. You see, bad boys move in silence, you know. Bad girls move in silence. We go on, on, on. We go on, on, on. Yeah, bad boys always moving fucking silence. We don't need no fucking violence. Yeah, there shall be no announcements. Yeah, it's Wood versus Zion. T'es l'arbre qui est tombé, nous la forêt. T'es la photo, nous la story. T'es le collier de perles, nous l'île de Corée. T'es la façade et nous l'ineffaçable. T'es facile, on est classique. T'es passif, on se fatigue et sache que c'est pas sale. C'est pas le même poids, on lutte pas dans la même salle. Chez toi c'est le bal et chez nous c'est où est Charlie. T'as ceux qui gèrent et ceux qui veulent tout péter. Au fait divers, on préfère ceux qui l'été. So move in fucking silence, please. We don't need no fucking violence. À quoi bon crier, tirer à qui profite le crime. Tu peux crier pour leur billet, nous les nôtres on veut t'imprimer. Capiche. Bad boys move in silence, you know. Bad girls move in silence. Diamond can sharpen a diamond. See bad boys move in silence. a diamond. Only diamond sharp and diamond. Bad boys move in silence, you know. Bad girls move in silence. We go boy, boy, boy. We go boy, boy, boy. You see, bad boys move in silence, you know. Bad girls move in silence. We go boy, boy, boy. We go boy, boy, boy. Boy, boy, boy, boy. Boy, boy, boy, boy. Boy, boy, boy, boy. We go, we go, we go. Boy, boy, boy, boy. Boy, boy, boy, boy. Boy, boy, boy, boy. We go, we go, we go. Nous sommes toujours ensemble avec Mathilde, et bien pour tous ses secrets et tout ce qu'elle a eu envie de nous apporter aujourd'hui. Moi, je suis ravie que tu sois là encore une fois. Je radote, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Ça va toujours ? Ouais, ça va toujours. Alors, on l'a vu, tu proposes des soins, des massages intuitifs, un petit peu de réflexologie thaïlandaise, en tout cas quand ça se présente à toi. On l'a bien vu, hein, on a tous un petit peu des moments dans notre vie où on propose plus de choses à un certain moment que d'autres. Il y a Il y a toujours ces consultations de naturopathie que tu proposes ? Ouais, alors du coup, là je suis en fin de cursus, hein, ça fait 3 ans que j'ai commencé la formation et j'arrive au bout. Ouais. Donc la certification, ça sera au mois de septembre. D'accord. Donc là, pour l'instant, j'ai proposé effectivement dans la rédaction de mon mémoire, j'ai proposé à 10 personnes de les accompagner, ouais, en fait, durant 3 séances. Mais pour l'instant, voilà, je ne le mets pas parce que je n'ai pas la certification et D'accord. J'ai envie de rester dans les clous. Ouais, on attend un petit peu. Voilà, à la rentrée. À la rentrée. Ça se passe quand, la certification, tu dis ? En septembre. Ah oui ? Ouais. Ça va le faire, je suis confiante. Ouais. Et du coup, tu vas accompagner des gens pendant sur 3 séances, ça se passe comment du coup ? Alors là, en fait, bah, comme je disais tout à l'heure, on va travailler sur les 3 piliers, hein, qui sont l'alimentation, la respiration, le mouvement et la gestion des émotions. D'accord. Donc il y a un premier rendez-vous où généralement, là, on va déjà apprendre à connaître la personne, voir les points faibles, les points forts, et elle aussi, qu'elle s'exprime, hein, je serai surtout dans l'écoute de qu'est-ce qu'elle a besoin à ce moment précis. Et puis après, les 2 autres consultations, c'est plus du suivi. Voir s'il y a eu des changements, des évolutions, du positif. Voilà, c'est vraiment c'est chouette. Ça. Oui, c'est chouette. Donc, il n'y a pas qu'un soin, il y a vraiment toute une globalité encore. Pas que holistique, là, dans la globalité du corps, de l'esprit, de l'âme, etc. Mais aussi sur le suivi, et ça, c'est chouette. Tout à fait. Ben, je pense que c'est important. Et c'est vrai que les consultations en naturopathie, une, ça ne va jamais suffire parce que tu vas seulement apprendre à connaître la personne en une fois. Donc, c'est comme si en une heure, je te disais, bon, bah, tu prends ça, et puis on se revoit dans un mois. Et voilà. Non, c'est plus de la discussion, de l'échange, et même rien qu'en parlant, on libère beaucoup de choses. C'est vrai. Et c'est le travail commence là. Eh ben oui, c'est tout à fait vrai. Du coup, tu proposes aussi des ateliers d'Ayurveda. Ça, c'est possible de le faire chez soi, entre amis ou avec la famille. En tout cas, c'est ce que tu aimerais faire. C'est ce que j'aimerais lancer, ouais. Ça, parce c'est... que c'est oui. grâce à une prof de yoga, donc... qui est à l'association Atma Yoga, donc oui. Elodie. D'accord. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas ça ? Ça serait super intéressant. Et du coup, j'ai créé le concept Ayurveda Entukasa. Ouais. Où, divisé en 4 modules, en fait. Hein, le premier, ça serait la préparation du ghee. Qu'est-ce qu'est l'Ayurveda ? Le deuxième, préparation d'un repas au choix. Troisième, les doshas, donc vata, pitta ou kapha. Et le quatrième, ça serait plus sur les automassages. Et je trouve que effectivement venir dans des stages, des choses comme ça, j'ai eu beaucoup de demandes comme quoi, bah moi, tu sais, les stages, je peux pas me déplacer, etc. Et intervenir dans l'univers de la personne, ça peut être aussi une approche différente et peut-être plus sécurisante pour les personnes. Et ça permet aussi que je leur donne des outils à faire chez eux. Là, ils sont chez eux, ils ont leurs repères et ça peut être hyper intéressant. Oui, puis ils ont un petit peu tout sous la main. C'est ça. Pas besoin d'investir, tu vas t'adapter un petit peu à ce qu'ils voilà, ont déjà chez eux. Voilà, s'adapter, par exemple, faire une réorganisation de la cuisine pour avoir plus envie de cuisiner, hein, parce que la plupart des gens disent « je n'ai pas le temps » et tout ça, mais tout est question d'organisation. Oui. Et du coup, tu peux donner des conseils aussi. Tu dois voir plus en globalité la personne quand tu vas chez elle. Aussi, bah déjà, tu vois son univers. Donc ça, on dit beaucoup et également. Hein, c'est vraiment... Tu entres dans sa bulle, ouais. Et t'essayes d'observer et tu peux comprendre beaucoup de choses en allant chez une personne. Parce que je proposais aussi les massages à domicile. Et effectivement, c'est ça. C'est tu t'adaptes à l'univers de la personne. C'est différent de faire ça ? C'est différent. Alors, moi, c'est sûr qu'au niveau des massages, je préfère quand même le faire dans mon univers parce qu'il y a mon énergie. Et la personne, ça la permet de déconnecter de la sienne. Ouais. Si elle est mauvaise, par exemple, dans son domicile, sûr que... Voilà, puis trimballer la table et tout, c'est assez physique. Et puis, voilà, je suis un peu gringalette, donc ça a été compliqué pour moi. Donc, je le fais avec certaines personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, mais sinon, chez moi, c'est mieux. Et ce concept-là, ça permet aussi de partager entre amis. Voilà, une soirée fille, au lieu de faire une réunion tupperware, et ben là, on va axer sur l'alimentation. Puis d'une manière ludique, hein, je pense que c'est hyper intéressant de rendre ça agréable pas plan-plan. C'est carrément ça. On peut participer à combien de personnes ? Alors, j'avais dit 4. 4, quatre, c'est pas mal. Parce qu'après, si on est trop, ça devient compliqué. Même les stages qu'on organise, elles étaient 4 et c'était très bien parce qu'il y a des demandes qui viennent aussi individuelles et voilà, au-delà de 4, ça devient compliqué de répondre à toutes les questions et puis voilà, rester en petit comité, créer une espèce d'énergie, un petit cercle assez sympa et des affinités aussi qu'on n'aurait peut-être pas forcément dans un groupe de 10. Oui, un petit peu plus intimiste quoi. Voilà. Ça c'est sympa. L'Ayurveda, est-ce que tu l'as découvert au cours d'un de tes voyages ? Alors, c'est vrai que c'est rigolo parce qu'à 18 ans, je suis partie en mission humanitaire en Inde. Ah oui ? Mais dans une école pour m'occuper d'enfants handicapés. Ah bah dis donc ! Donc c'était le premier appel à l'Inde, hein, mais je m'en étais pas rendu compte. Hein. C'est maintenant que je me dis, ah ouais, t'es déjà allée une fois en Inde. Ouais. Mais là, c'était pareil, dans le but de devenir éducatrice, hein, parce que je travaillais avec les enfants handicapés. Et ensuite, un jour, j'étais tombée à Cultura sur un bouquin sur l'Ayurveda. Et vu que j'étais déjà dans l'effervescence, même à l'adolescence, hein, sur toutes ces choses-là, ça me parlait déjà. Mais je creusais pas, quoi. Hein, donc j'avais des bouquins, mais sans plus. Et là où j'ai vraiment eu la révélation, c'est... donc c'était en novembre dernier, hein, même en 2016 même, que j'ai pu assister Florence Pomana. Et c'est là que j'ai découvert l'Ayurveda. Et pareil, de l'avoir expérimenté, c'était beaucoup plus parlant que dans un bouquin. D'accord. Mais c'est plus... Là, je suis plus autodidacte au niveau de l'Ayurveda. J'ai pas fait de stage certifiant. C'est vraiment plus autodidacte. D'accord. Et que j'aime bien lier à la naturopathie. Parce que la naturopathie, c'est une chose. L'Ayurveda, c'en est une autre. Mais les deux ensemble, ça fait un combo... Parfait. C'est tellement bien dit. Du coup, comment tu es venue à pratiquer, toi, l'Ayurveda ? Tu as été voir quelqu'un ou c'est cette fameuse personne Non, c'est vraiment Florence. Donc, on était 10 jours, hein, où moi, je l'assistais. Donc, je faisais à manger. Donc, elle me disait, bon, bah écoute, là, on a ça, tu peux faire ça. D'accord. Et là, pareil, livrée un peu à moi-même, hein, sur le coup, parce qu'elle devait s'occuper donc, des 4 personnes qu'on accueillait, parce qu'elle faisait les soins, etc. Et moi, je faisais la popote. Et donc, j'ai testé. Donc, elle me dit, bon, bah, tu peux faire le beurre clarifié, donc, qui s'appelle le ghee en Ayurveda. D'accord. Alors, le premier, mais je dis, mais attends, comment ça se fait le ghee ? Alors, elle m'explique. Je le fais, je le crame, ça va pas. Bon, la première fois, c'est sûr que voilà. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de se faire accompagner les premières fois. D'accord. Donc, c'est parti de ça. Et de là, après, ben, moi, je suis très intuitive. Donc, je le fais chez moi. J'ai acheté ce qu'il fallait. Et puis, au feeling, quoi. Hein. À l'intuition. Mais alors, c'est quoi cette histoire de beurre clarifié, là ? Alors, en fait, c'est vrai qu'en Inde, l'animal sacré, c'est la vache. Ouais. Et en Inde, le beurre, il se conserve très, très mal. D'accord. Donc, c'est parti comme ça, où il clarifie le beurre. Il suffit de le cuire, en fait, à feu très doux et de faire remonter tout ce qui est ferment lactique, caséine, qui est la protéine du petit lait, enfin, tout ce qui est mauvais dans le beurre, entre guillemets. Et ça donne un beurre qui est clarifié parce que tu enlèves vraiment tout ce qui est mauvais. D'accord. Ensuite, tu le filtres et il doit sentir la noisette et être jaune comme de l'or. Wow. Ça c'est le repère. Voilà. Et en fait, si tu veux, dans la cuisson des aliments, les huiles végétales, elles supportent très très mal la cuisson. Alors que le ghee, non, il peut supporter une chaleur vraiment vraiment D'accord. très très haute, à hauteur de 200 degrés. Alors qu'une huile végétale, normalement, c'est pour mettre sur les crudités et éviter la cuisson. Surtout l'huile d'olive, les choses-là, c'est pas des huiles du tout à cuisson. Ah bon ? Donc, non, non. Bah, en fait, non. Non, ça se cuit pas, les huiles. Parce qu'elles ont tendance à s'oxyder et à cramer très vite, en D'accord. fait. Et ça, on ne le sait pas. Hein. Ah on bah le non. sait pas forcément. Donc, le beurre clarifié, ça permet justement d'avoir cet aspect-là, de cuire sans cramer, sans te faire du mal, et avoir un petit goût juste exceptionnel, qui ressemble à de la noisette. Et pareil, il y a des saisons pour l'utiliser. En hiver, on va utiliser des graisses un peu plus costauds, donc le beurre, hein, parce qu'en Ayurveda, les produits laitiers ne sont pas considérés comme mauvais, D'accord. à petite quantité, toujours ouais. une question de dosage. Et oui. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit. Moi, je suis happée, moi, je ne sais plus. C'est, en fait, c'est Mathilde qui fait l'émission d'aujourd'hui. Alors, donc, bah, on en sait plus sur le beurre hein, venu d'Inde, le fameux ghee. Oui, et puis j'ai fait une petite vidéo parce que j'ai essayé par un temps de me lancer sur YouTube, mais ça demande énormément de temps. Donc en fait, j'ai fait deux vidéos et pour l'instant, je me suis arrêtée là. D'accord. Mais ça va revenir. Et il y a une vidéo explicative justement où j'explique les étapes de la fabrication du ghee. Et il y a un article aussi très détaillé sur le sujet sur le site internet, D'accord. dans la rubrique recettes. Mais c'est vrai que quand t'es accompagnée, je l'ai vu en stage, hein, de le voir, c'est beaucoup plus simple. D'accord. Ma mère, la première fois qu'elle a fait le beurre, elle m'a appelée, Mathilde, qu'est-ce que je dois faire? Et au final, il a été cramé, enfin, c'était foutu. Donc c'est vrai que les premiers temps, se faire accompagner, c'est toujours plus simple. Bon, après, et voilà. Faut pas avoir peur de manquer l'expérience, entre guillemets. Hein, non, bah, pas du tout, pas du tout. Mais la plupart des gens me disent, oui, bah, j'ai vu ta vidéo, j'ai vu ta recette, mais franchement, je sais pas comment faire. D'où les ateliers que j'essaye de mettre en place, parce que... Voilà, n'appelez pas Mathilde en masse pour parler de votre ghee. Faites-la venir chez vous dans un moment convivial et chaleureux et elle vous expliquera toutes les étapes par lesquelles il faut passer. Mathilde, tu nous informes aussi sur le maquillage hein, et tu nous proposes d'autres méthodes plus naturelles pour prendre soin de nous et révéler notre féminité. On parle de cosmétiques écologiques et économiques où là aussi tu donnes certaines recettes sur ton site. Oui. Alors, maquillage, je me maquille plus depuis 2 ans, ouais. mais effectivement, prendre soin de sa peau, ouais, donc là, par la création d'huile végétale. D'accord. Là, dernièrement, j'ai proposé une recette d'huile de carotte, bah oui. un très bon pour l'été. C'est ça. Donc, en plus, c'est tellement simple à faire qu'on ne se rend pas compte, mais les gens ont tendance à acheter, alors que faire soi-même, c'est aussi cool parce que tu y prends plaisir et tu dis, ouais, c'est moi qui l'ai fait, c'est cool. Ouais, ouais. Et ça marche bien? Ouais, l'huile de carotte, ben moi franchement, j'adore. Hein. Ça fait 2 ans que je fais ça. Et il suffit de couper les carottes en rondelles, les faire sécher au soleil. Et ensuite, tu choisis une huile végétale en D'accord. fonction de ta peau. Donc ça peut être amande douce, huile de coco, huile d'olive même. Des huiles à bas prix aussi. Hein. L'huile de tournesol est très bien, elle n'est pas chère. Ouais. Et ensuite, tu fais macérer pendant 2 à 3 semaines et puis tu as ton huile de carotte. Quoi. Ah ben, c'est chouette. Et donc du coup, là, ça donne un petit teint allé. Ah oui. Ah bah oui, voilà. Plus le jus de carotte dans la journée, c'est bien aussi. Je vais faire ça. Mais oui, carrément. Je vais toute bronzée après. Alors avant de terminer cette émission qui est passée à toute vitesse, hein, encore une C'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer. Ah non, on n'a pas vu le temps passer. Je vous propose de se lancer dans notre dernière bulle de son avec un son de l'artiste Guts pour Aimer sans amour. Mais ne vous fiez pas à son titre et écoutez bien attentivement. On se retrouve juste après. La liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Se confie au vent. plus grande souffrance a toujours été et sera toujours de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Jamais nécessaire d'user de la cuirasse du silence ni de l'armature des mots. L'homme s'assiera à table avec un regard pur. Aimer sans amour. Ensemble dans la bulle aujourd'hui avec Mathilde pour nous parler de tous ses secrets sur le bien-être en général. On a passé une super émission, mais c'est pas fini, il en reste encore un petit bout. Et ben, on va le savourer ce bout. Hein, ouais, carrément. Alors, bientôt, on pourra te retrouver durant un stage vitalité pour bien se préparer à l'hiver. Ça se passera en novembre, c'est ça ? Tout à fait. Donc au Val d'Ajol, dans un superbe gîte qui s'appelle le Domaine des Champs, chez Françoise. Ouais. Donc voilà, bien se préparer à l'hiver autour du yoga, de l'alimentation, de la naturopathie et de l'ayurveda. Waouh, c'est chouette. Donc du coup, du 7 au 11 novembre, on dort sur place, on reste tout le temps... On a le choix, donc c'est vrai que moi je trouve que c'est plus intéressant de dormir sur place parce que du coup tu profites vraiment de l'énergie globale et... Mais tu peux aussi, si tu viens des Vosges, rentrer chez toi le soir et revenir le lendemain matin, il n'y a pas de souci. C'est sympa. Mmh. Du coup, il y aura d'autres personnes, praticiens, entre guillemets, en tout cas, d'autres personnes pour... Donc, il y a Marie-Pierre Lagarde, qui est une prof de yoga, mais qui vient de la région parisienne. Oui. Et donc, en fait, on n'est que deux pour le moment. Donc, moi qui m'occupe de la partie alimentation, Marie-Pierre qui s'occupe du yoga, c'est pour ça que c'est un peu... voilà, hein, il faut s'organiser. Et puis Françoise, donc, qui est notre hôtesse, qui nous aide aussi hein, dans l'organisation plutôt. Ouais. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais vraiment qu'on organise des stages avec plusieurs praticiens. On organise aussi des soirées thématiques. Là, lors du stage de juin, on avait fait intervenir Martine Fieler, qui est une psychologue de Saint-Étienne. Elle nous a parlé des constellations familiales et constellations chamaniques. Donc voilà, des petites soirées thématiques, c'est intéressant. On n'a pas encore réfléchi à ce qu'on allait proposer pour le stage de novembre, mais ça vient. Donc voilà. Bah, c'est sympa. Combien de personnes peuvent être accueillies au sein de ce stage ? Ben, jusqu'à 6, je pense. Ouais. Ouais. Il faut réserver. Ouais, il faut réserver. Effectivement, là, ça peut être intéressant de le faire maintenant en fonction de... Enfin, pour poser ses jours, hein, parce que c'est vrai que pour le mois de juin, il y a plein de personnes qui ont dit « Ah, oh, j'aurais trop voulu participer, mais j'étais pas là. » Donc, c'est vrai que s'y prendre tôt, puis pas hésiter à nous appeler aussi, hein, demander, poser des questions. Il y a les infos sur mon site internet, mais c'est vrai que de parler, des fois, c'est un peu plus... Eh ben oui, c'est voilà. Un peu plus concret. Ouais. Donc là, tu viens de terminer un stage en juin, là ? En juin, on a proposé notre premier stage, Vitalité, ouais. Et qui s'est vraiment bien déroulé. Les retours ont été ultra positifs. Et c'est pour ça que, du coup, on a envie d'en proposer vraiment à chaque intersaison. Hein. Si on peut en proposer 4 dans l'année, c'est vraiment, ça peut être vraiment chouette. Ah ouais, c'est sympa. Et avec, voilà, à un moment donné bien précis. Pas forcément, non, parce que c'est aussi dans l'apprentissage, donc ça peut, c'est pas forcément. Là, c'était un stage détox, mais ça peut être sur d'autres thématiques aussi. Après, voilà, on fait les choses, vu que je suis dans l'intuitif, on fait les choses petit à petit et puis on adapte. C'est toi un petit peu qui lance. Et ben, c'est Françoise qui est venue vers moi parce qu'elle organise tous les ans, ben, au mois d'octobre, ça s'appelle des chemins pour être bien. D'accord. Au Val d'Ajol, où elle fait intervenir justement pendant tout le week-end plein d'intervenants du bien-être. Ouais. Et l'année dernière, j'y suis allée, je l'ai rencontrée, on avait discuté. Et là, elle m'a appelée au mois de, je crois que c'était mars. Mathilde, écoute, si on faisait ça. Donc pareil, hein, rien n'arrive au hasard, les synchronicités. Et je dis, bah vas-y, on se lance. Donc j'étais un peu, c'est vrai que c'était la première fois, mais j'adore ce concept-là parce que tu vois la personne de A à Z, tu vois comment elle arrive, tu vois comment elle repart, tu la vois évoluer tout au long du stage, son visage qui s'illumine, et c'est vraiment intéressant. Ah bah oui, tu m'étonnes. Mmh. Puis ça doit être très gratifiant, au fond ouais. de soi, bah, de savoir qu'on a pu un petit peu participer à ça. Carrément. Hein, ça, c'est chouette. Carrément. Et tu parles de détox, alors est-ce que là, on peut consommer quelque chose pour faire un petit coup de détox, là, en plein milieu de l'été, c'est possible encore ou faut le faire avant? Ben, il n'y a pas vraiment de période. Enfin, si, on dit souvent en intersaison parce qu'effectivement, ça prépare. Mais j'aime pas trop ce terme détox parce qu'il est devenu un peu à la mode. Ouais. Et c'est dommage parce qu'on trouve aussi plein d'informations sur Internet. Bon, ben là, il faut faire ça. Mais est-ce que ça va te convenir? C'est toujours la même question. Ouais. Donc là, moi, je dirais, de toute façon, au niveau des détox, le foie, c'est très, très intéressant parce que le foie, c'est la base de tout. Et on peut utiliser effectivement des plantes drainantes du foie comme le chardon-marie ou l'artichaut. Mais encore une fois, il faut vraiment pas se dire, bon, si je tombe sur un article détox, faut peut-être pas y aller tête baissée, quoi. Genre, par exemple, le citron pressé le matin, etc., ça peut être un superbe outil, comme un très mauvais outil pour quelqu'un qui va avoir des problèmes au niveau des intestins, etc. Oui. Donc, encore une fois, là, je dirais que non, l'été, il faut se laisser aller dans les vibrations qu'elle peut nous apporter. D'accord. C'est quelque chose que tu as étudié, est-ce tout ces organes au sein de ta formation de naturopathe? Ah bah, l'anatomie, la physiologie, ça commence par là. C'est pas la partie qu'au début j'accrochais pas du tout avec le côté scientifique, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper important même, je dirais, d'avoir cette notion scientifique et de l'adapter après à nous-mêmes en fait. Ouais. Et c'est vraiment une pratique complémentaire, la naturopathie. Nous ne sommes pas des médecins, mais par contre j'aimerais vraiment dans l'avenir travailler avec les médecins parce que je trouve que ça pourrait être super intéressant. Chacun a sa place, mais à deux, pareil, on pourrait faire quelque chose de très positif. Et j'appellerais pas ça médecine alternative, non, c'est pas ça du tout. C'est plus pratique complémentaire. Oui. Et vraiment, c'est hyper important parce qu'il faut savoir aussi que maintenant, n'importe qui peut s'installer en tant que naturopathe avec 0 heure de formation. Ah oui. Puisque ce n'est pas reconnu par l'État, hein, donc forcément. Et du coup, les gens aussi viennent me voir en me disant, bah, je sais plus qui voir. En ce moment, le domaine du bien-être, c'est en pleine expansion. C'est vrai, il y a plein de choses qui poussent de partout, mais il faut aussi trouver la personne qui nous convient. Et voilà, rassurer les gens aussi sur cette pratique qui est juste, nous sommes des éducateurs de la santé qui aident les gens à modifier leur hygiène de vie pour aller mieux. En fait, c'est simplement ça. On ne prescrit pas, on ne fait pas de diagnostic, c'est vraiment sur le conseil. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont voir quelqu'un, hormis le feeling qui doit forcément passer quand on va voir un spécialiste, un éducateur de la santé ou toute personne à qui on va un petit peu se confier, demander de l'aide ou à prendre des conseils? Il faut un certain feeling qui passe entre nous et la personne que l'on a en face, forcément. Mais à quoi on doit être attentif quand on va voir quelqu'un? Quels sont un peu les signaux qui doivent nous dire attention? Ben ça j'en sais rien. je ne sais pas, mais moi qui ai aussi suivi beaucoup de thérapie, hein, parce que pour être bon thérapeute faut aussi prendre soin de soi. Et bah, il y a des fois, c'est physique, en fait, ça s'arrête là. C'est vraiment enfin, il y a des personnes avec qui tu n'accroches pas. Pour moi, c'est ça. Mais tu peux pas le savoir si tu l'as pas rencontré. Oui, c'est ça. Tu peux pas savoir, en fait. Donc, c'est en y allant que tu sais si ça colle, ça colle pas. Mais je veux juste démystifier le côté, le côté mode, parce que bon, c'est une mode avant tout, mais c'est aussi l'énergie, hein, qui amène les gens à s'occuper de plus en plus d'eux. Mais voilà, faut vraiment trouver une personne qui vous corresponde. Mais je sais pas, je peux pas te donner de conseils par rapport à ça, parce que pour moi, c'est qu'en essayant que oui, on oui. sait. En fait, peut-être on peut faire attention aux méthodes drastiques qui seraient proposées. Voilà. Et toujours rester... Et garder cette notion holistique, et puis en faisant pas le focus sur, voilà, je veux voir juste un naturopathe. Non, bah, on peut, pourquoi pas, à côté de ça, voir... je sais pas, une masseuse énergétique, un réflexologue, enfin, il y a plein de... Je pense qu'il faut s'entourer de thérapeutes différents, et c'est pour ça que moi, l'idée, d'ici bon un an, même à la rentrée, j'aurais aimé être dans un cabinet avec plusieurs thérapeutes. Ouais. Parce que là, t'as un combo pareil, hein. Tu peux conseiller les gens, et puis organiser des choses ensemble, et travailler en complémentarité. Et j'insiste sur le mot complémentarité. Et j'aimerais qu'un jour, les médecins s'ouvrent à ça, et qu'on puisse travailler ensemble. Ah oui, ils sortent de chez le docteur et ils vont passer chez Mathilde pour un ou deux conseils. La porte juste à côté, ça serait drôle, mais ça serait super. Mais ça existe. Dans ma formation, j'ai une personne, son papa est médecin généraliste, pas du tout fermé à toutes ces méthodes-là. Ouais. Et elle va s'installer à côté de son papa et ça, c'est génial. Enfin, ça peut ouvrir vraiment le monde. Il faut juste que les médecins n'aient pas peur de nos pratiques parce qu'elles sont complémentaires et on n'est pas des médecins. Mmh. On ne va pas dire d'arrêter des médicaments, bien au contraire. On est là pour accompagner, mais plus sur l'hygiène de vie. Donc, je répète, l'alimentation, le mouvement, la respiration et la gestion des émotions. Eh ben voilà, on a tout dit, c'est parfait, Mathilde. Moi, j'ai adoré cette émission avec tous tes petits conseils, un petit peu toutes ces graines que tu sèmes et qui vont fleurir pour donner quelque chose de magnifique. N'aie pas peur, tu as une très, très belle route qui s'annonce devant toi. Et puis, je pense que toutes les personnes qui te rencontreront et qui t'ont rencontré te diront exactement la même chose que moi. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, ça se passe sur Internet, www.lessecretsdemathilde.com. Ça c'est pour le site hein, très très complet où vous y trouverez eh bien, des recettes, tous les articles que tu proposes à l'intérieur de ton blog, mais aussi des images qui t'inspirent, les événements qui sont en cours hein. Donc par exemple pour ce stage Vitalité du 7 au 11 novembre 2018, ben, je suppose qu'on pourra retrouver les informations à cet endroit bien précis, et puis eh bien, toutes les prestations, les choses que tu proposes voilà, pour s'informer et pourquoi pas et essayer auprès de Mathilde. Ça se passe également sur la page Facebook Les Secrets de Mathilde, mais je suppose que tu en as plein d'autres des pages. Eh bien, Facebook, Instagram et YouTube. Tous sous le nom de Les Secrets de Mathilde. Tous sous le nom de Les Secrets eh ben, de Mathilde. Voilà. Comme ça, on ne peut pas se perdre. Tout va bien. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ? Eh bien déjà, je tiens vraiment à te remercier parce que je suis ravie d'être passée à la radio pour la première fois. Tu t'en es très bien et sortie. Et puis, il n'y a pas de hasard et... Vraiment, le chemin du bien-être, je pense que c'est vraiment un chemin où il faut aller pour se sentir bien et puis rayonner autour de nous, parce que ça commence par là. Ah oui, se sentir bien pour faire le bien autour de soi. Tout à fait. Merci beaucoup Mathilde, à très bientôt. Hein. Eh ben, merci à toi et puis avec plaisir, vraiment. Et puis pour tous nos auditeurs, on se retrouve demain. Et en attendant, bah, n'oubliez pas, c'est comme tous les jours, hein. Bonheur, joie et rire à tous. Weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin, but you acting young.